poussière s'élève. Mes bottes s'enfoncent dans la terre sèche. Un souffle chaud traverse la plaine. Redskill avant, marqué par la haine. Le whisky brûle, mes lèvres fendues. Le désert gronde, mes balles sont perdues. Chaque pas résonne comme un glas. Un vieux cow-boy qui n'oublie pas. Dust and whiskey, night and flame. Cowboy spirit, call my name. I'm going to cry, saxophone bleeds. Rider skill rides where the west still leads. Le vent transporte des chants oubliés. Des fantômes d'hommes qu'on a enterrés. Sous la lune, les échos me guident. Les cactus veillent, leurs ombres rigides. Chansons. Chaque note frappe comme un canon. Un cowboy maudit en procession. Dust and whiskey, night and flame. Cowboy spirit, call my name. I'm mourning to cry, saxophone bleeds. Rider's kill rides where the west still leads. Le désert s'endort, les braises s'éteignent. Rider's kill marche, les étoiles atteignent. La poussière tombe, le feu s'éloigne. Un dernier souffle, la nuit témoigne.